Planet Rap. À partir de maintenant, tout ce que tu vas entendre est complètement nouveau et totalement inédit. 3, 2, 1. Pour avoir reçu la totalité des artistes de la scène urbaine, Planet Rap. Elle est devenue l'émission rap de référence. Let's go. Ce soir et toute cette semaine, Skyrock reçoit Sneezy. Are you ready for this? En direct et pendant une heure complète. Planet Rap Sneezy, c'est maintenant sur Skyrock. Et c'est parti pour une nouvelle semaine. Bienvenue à vous tous, le Planet Rap avec Sneezy. Yeah. Comment ça va la France? Bah ça va. Hein. Je reçois un mec qui est fatigué, qui a tout donné sur ce projet, tout. Sur cet album. Tout épuisé. J'ai perdu les derniers kilos que j'avais. Comme on l'entend, est venu avec ses enfants. Tous mes enfants des différentes femmes que j'ai. Voilà, on les entend, ils sont tous venus voir papa pour cette sortie. Merci les enfants, merci d'être là. Bon, comment j'ai ça mon va enfant Dooms aussi qui est avec moi. J'allais y venir, évidemment il y a des invités aussi qu'on va pouvoir découvrir. Des gros cette invités, ouais. Dooms, l'entourage, comment ça va en pleine forme? Yeah. Non, ça va, on fait aller, hein. Bien. En gros, ça veut dire qu'il dort 90% du temps. Il dort pour toi, peut-être. Peut-être. Ah, voilà, profite pour moi. Je profite, lui il travaille, et voilà, moi je dépense les sous. C'est normal, ça. Attends. C'est logique. Faut un boss et un employé, tu vois. Toujours. Hiérarchie oblige. Le projet s'appelle Super, il est dans les bacs, ça y est, depuis aujourd'hui. Exactement. Et quand je disais que t'es épuisé, c'est vrai que ça doit faire du bien, en même temps, il y a de l'appréhension, il y a plein de choses. On va dire que ça fait à peu près 4-5 ans que je l'ai dans la tête, cet album, tu vois. Et après, quand on a fait cette pause avec un 995 après notre tournée, je me suis mis en mode terrier, un an et demi de studio. Après, j'ai pas travaillé pendant un an et demi, mais il y a eu vraiment 6 mois de boulot acharné. Et voilà, ça sort aujourd'hui, je suis content, j'ai tout donné. Il y a des morceaux bien profonds, introspectifs, d'autres qui sont bien égotripes comme j'aime. Et voilà, ça donne super mon premier album. Et bien, on va découvrir ce projet. Juste avant, pour le découvrir aussi, on t'a préparé un petit medley de Super qui est dans les bacs depuis aujourd'hui, qu'on peut commander aussi si vous avez craqué tout de suite ce soir sur l'album. Allez le commander immédiatement. Vos messages avec le hashtag Sneezy sur Skyrock. Et voici le medley de Sneezy maintenant. Planet Rap Sneezy. M'affilier avec ces schlags, valider leur taf de merde, c'est pactiser avec le diable. J'ai un ego surdimensionné, je me mets sur un piédestal. Quand vous m'aimez, vous ne m'aidez pas, vais-je rester stable ou devenir détestable? Planet Rap. Cette fille est caractérielle, je crois qu'elle veut du matériel. Elle sait ce qu'elle veut. Demande à son paternel, il est sûrement pas fier d'elle. À 200 sur la freeway de LA, les cheveux dans le vent. Elle fait penser à cette fille au lycée que j'aimais. Maintenant je prends le temps. Planet Rap. Avec l'alcool et la drogue, il s'est dû perdre. Il pensait avoir les idées plus claires, super. Chez nous, il y avait souvent les autorités. C'était risqué, maman était en situation irrégulière. C'est dur, frère, sans le daron de faire du blé. T'aurais pu abréger nos souffrances, mais tu préférais faire durer. Je crois que je suis perturbé. Sans salaire, c'est l'expulsion. Dans la tête, c'est des Planet Rap. Tout tiranier, le bras pas cool, Hoop, Galouli, la haine, ah ouais. J'connais Brani, Rouba, Souma, j'connais Brani, Kawasek. Tout tiranier, le bras pas cool, Hoop, Galouli, la haine, ah ouais. Planet Rap. Dans ma tête c'est la jungle, neurones qui crient, cerveau qui crame. Entre les filles et les flingues, j'sais plus qui tire, j'sais plus qui gagne. Suis-je devenu dingue depuis que je suis dans le mal? Planet Rap. On ne veut pas plaire à tout le monde. On s'en tape, on s'en tape. On pense au lendemain vu que l'avenir n'attend pas. On s'en tape, on s'en tape. On ne peut que monter vu qu'on est venu d'en bas. La concurrence dans le déni, je ne les entends pas. Est-ce que j'ai commis des délits? Tu diras non si jamais on t'en va. Soulever la coupe pour toi, je dois soulever la coupe. Je dois soulever la coupe pour toi, je dois soulever la coupe. Planet Rap. Tous ma peau, les rappeurs, les gratteurs. Et vite, les prendre au royaume. rap, ça respecte même les voiles. Planète Rap Sneezy. Quand les lumières se baissent, salut mon premier tour de piste. Oh, je suis comme cette caresse que tu attends et qui t'excite. Les filles défilent et je m'en lasse. Disent que je ne suis qu'un homme. Disent que je ne suis qu'un homme. Disent que je ne suis qu'un homme. Et disent que je ne suis qu'un homme. Mais je suis bien plus que ça. Okay. Tous les soirs, 20h-21h, en direct avec Sneezy sur Skyrock. C'est Sneezy, notre invité, et l'album qui est sorti aujourd'hui. Il est là, Sneezy, avec plein de monde, hein, qui est venu soutenir. Ouais. Aussi, je reconnais plein de têtes qui sont là dans le studio. Grave. T'as reconnu Esprit, t'as reconnu l'équipe de 3010, mm-hmm. Eddie Hyde, t'as reconnu le Escrew, t'as reconnu Dooms. On est tous là, j'ai dû en oublier certains. Hologramme. Hologramme et lui, on s'en fout. D'accord. Je l'avais à peine reconnu. En même temps, il arbore d'une nouvelle coupe, un nouveau style printanier. Là, il est en Robert Pires 98. Ah, c'est vrai. Il alterne entre vrai. Robert Pires et David Simon. C'est vrai qu'il y a, ouais, il y a un truc. Si vous voulez mater les images, c'est sur Skyrock FM. Allez-y avec l'application aussi Skyrock. Et vous balancez tous vos messages, le hashtag Sneezy sur Skyrock. On va donc pouvoir découvrir ce projet qui est sorti aujourd'hui, entre 20 et 21, dans Planète Rap. Et toute la semaine, il y aura du live aussi. Parce qu'évidemment, à chaque fois, quand on vous reçoit, c'est beaucoup. On est là pour ça, hein. On est là pour kicker de toute façon. Et c'est vrai qu'il y a en plus une ambiance particulière aujourd'hui, parce que quand on regarde le top des ventes, Manekfeu est premier, commande est numéro 1. Bah ça c'est le boss, hein. Toi tu es 9ème pour boss. L'instant, ouais. Donc ça ne peut que monter. On peut peut-être vous voir tous les deux alterner la place de numéro 1, numéro 2 d'ici la fin de semaine, hein. Franchement, ça me dérange pas de lui laisser. C'est la tête de proue de toute cette nouvelle génération. Nekfeu, force. De toute façon, on monte ensemble, on est une famille. C'est mon ref. S'il vend 200 000 scuds, c'est comme si j'en avais vendu 200 000, mais pareil. Même 210 000. Alors, 210 000. Rajoute ça. On va débuter avec un morceau qui s'appelle La Coupe, et puis on va revenir aussi sur ton parcours. Pour ma maman, je t'aime. Ouais, morceau pour maman, avec un très beau clip aussi qui est arrivé. Yes, qu'on a fait en Islande avec mon gars Cyrine Boulanoir. Il y a quelques jours, qui est là. Découvrir ouais. Aussi sur le Skyrock Café, mais on écoute Sneezy, La Coupe. Yeah. Je suis pas arrivé au bon moment, dites-moi. Les gens ils refont comment, je sais pas, mais ma maman avait besoin de flouze. Les repas organisés par la mairie, les cadeaux de Noël de la cave, je lui ai promis un château quand j'aurai de la maille. Et qu'un jour on irait vivre en Amérique. Je veux lui rendre sa jeunesse si c'est négociable. Dur d'accepter toutes les aides sociales. Elle m'a interdit de faire le pauvre. Elle m'a toujours mené vers le haut. Ma daronne c'est mon ballon d'hélium. Elle connaît la suite comme un médium. Elle a jamais fait la comédienne. C'est la plus mignonne des lions. Elle restait positive quand on touchait le fond. Elle reconstruit même quand tout s'effondre. Je me rends compte de son courage en grandissant. Séparée de sa famille pendant 10 ans. On était ses seules bouffées d'oxygène. J'ai jamais vu de femme aussi belle. Elle prenait seule son petit déj. Surmontait seule les galères de la vie quotidienne. Même si ton prochain n'a pas très faim, elle m'a toujours appris à partager le pain. Pour le paradis elle a son aller simple. Elle nous a élevés sans jamais se plaindre. J'avais 2 ans quand ils se sont séparés. Elle n'a jamais retrouvé l'amour. Le passé est impossible à effacer. Donc pour ma mère je dois soulever la coupe. Je dois soulever la coupe. Je dois soulever la coupe. Pour toi je dois soulever la coupe. Soulever la coupe. J'dois soulever la coupe. J'dois soulever la coupe. Pourquoi j'dois soulever la coupe. Soulever la coupe. J'dois soulever la coupe. J'dois soulever la coupe. Pourquoi j'dois soulever la coupe. Elle m'a donné sa bénédiction. Elle m'apaise comme un cessez-le-feu. Je veux exaucer ses vœux. Le soleil, la lune, décrocher les deux. Dans le brouillard, on a passé tant d'années. Je me rends compte que ma mère est légendaire. C'est elle qui m'a toujours dit laisse les gens parler. Et s'ils sont mauvais, laisse les gens faire. Dans ce paysage gris, c'est mon coin vert. Jamais loin d'elle, je vais prendre soin d'elle. Elle préférait rire et rester digne. Elle nous a toujours caché ses points faibles. Elle m'a appris à baisser les armes. Coûte que coûte, je vais la rendre fière. Je vais sécher ses larmes. Grâce à ma réussite, je vais enfin lui faire prendre l'air. J'dois soulever la coupe. J'dois soulever la coupe. Pour toi j'dois soulever la coupe. Pour toutes les mères m'en fadent. J'dois soulever la coupe. quoi soulever la coupe. Sneezy et le projet qui est sorti aujourd'hui avec ce morceau, La Coupe, à l'instant. On parlait des titres introspectifs, il en fait partie aussi celui-ci. Hein, exactement, exactement. Ça parle de ma mère, ça parle de toutes les mamans un peu du monde. Mais tu vois, quand tu fais un morceau sur les mamans, t'as toujours peur de tomber dans un truc bidon et tout. Donc moi, j'ai essayé de faire un truc quand même personnel où je raconte, tu vois, un peu le parcours de ma maman. Bah, on sent que ça a été un peu dur quand même. Hein. C'est pas, ouais, il n'y a pas eu simple, que des moments faciles dans ma vie, mais voilà, j'étais petit, on a surmonté les choses et grâce à elle, je suis là. Et tu te dois de soulever la coupe pour elle. Ma mère, et j'ai pas fini de gravir les échelons pour elle. Ouais, c'est un truc que tu as eu en particulier quand tu enregistrais l'album, justement. Bah non, mais je l'ai tout le temps en fait. Vraiment, c'est la personne à laquelle je pense le plus dans ma vie. C'est pas pour faire le gnangnang, tu vois, mais c'est la vérité. C'est le truc le plus important. Au niveau études, ça va, t'as laissé quand même tranquille quand t'as eu le rap. Pas laissé tranquille, le rap avec la passion du rap qui arrivait au même moment aussi. Non, c'est moi, j'ai fait le forceur, j'ai fait le bélier. j'étais trop dans le rap et j'ai raté mon bac. Mais tu devais le repasser à une époque. Je me souviens dans les interviews, tu disais. Exactement, je devais le repasser l'année d'après notre premier EP La Source, mais on était en tournée et j'ai fait un choix. Je pense que c'était le bon. Donc tu vas pas le repasser. Non. Peut-être à 30 ans, peut-être. Si ça s'arrête, peut-être que je vais avoir envie de repasser le bac. Je repasserai avec Esprit. Esprit, tu l'as pas eu non plus ? S'il l'a eu, ce bâtard. J'ai eu, hein. Bah oui, c'est ça. Attends, je me souviens. Je le repasserai avec Dooms. Dooms. J'ai pas eu le bac, ni même le brevet. Donc on va. Merde, qu'est-ce qui s'est passé ? Aïe. Hein ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Disons qu'il y a eu un problème de calcul et de mathématiques. Voilà. J'ai demandé la seconde, j'ai demandé la quatrième, j'ai dit ah va. En ces périodes d'examen là où là c'est. Ouais, faut réviser les enfants. Ouais, faut qu'ils continuent. Hein. Franchement, pour tous ceux qui nous écoutent, ayez un diplôme, même si ça sert franchement à rien. Parce qu'au final, t'as un diplôme, t'as quand même pas de travail, mais ayez-le quand même. Non, ne serait-ce que pour la fierté. Ne l'écoutez surtout pas, c'est pas une question de fierté, il faut. Le diplôme. Faut passer ses diplômes, faut les avoir, faut continuer l'école, c'est J'aime important. J'aime bien en tout cas les deux qui ont rien eu pour l'instant. Ah, c'est ceux qui sont le plus. Esprit, vas-y. En vrai, c'est un peu des deux, tu vois. Parce que moi, j'ai eu un peu des diplômes et comme il a dit, des fois, il n'y a pas de taf, tu vois. Mais il faut quand même les avoir, tu vois. C'est un bagage, c'est bien, tu vois. Faut les avoir. Même pour la daronne, tu vois. Juste par rapport pour morceau de Sneeze. La coupe. Je vais essayer de soulever la coupe d'une autre manière. Ça peut être un examen à droite à gauche. C'est vrai, ça fait plaisir à la famille. Moi, j'ai une victoire de la musique, c'est bien. C'est vrai. Ah, c'est charmant. J'ai soulevé une coupe. C'est charmant. Et bah, tiens, parlons justement musique, parce que vous l'avez tous vu, Sneezy. Surtout si vous avez vu les concerts de 1995, c'est quand même le mec qui se jette le plus. J'ai jamais vu ça. L'Olympia d'un 995, c'était. J'ai sauté du balcon de l'Olympia. Du balcon, non mais le mec est dingue. Justement, il... c'était le premier concert où il y a ma mère qui est venue. Eh ben, elle a pas dit... Et elle a vu ce saut et. Je me suis dit, mon fils, mais qu'est-ce qui devient? Non, je pense qu'elle était fière de moi. Sur ce parcours, justement, sur le rap, sur la passion du rap, si on revient un petit peu en arrière, Sneezy, toi, c'est vrai que le rap, bah, c'est arrivé avec les potes, hein. T'es au Bahut, ouais, c'est une histoire de potes, quoi. Exactement, c'est une histoire de récré, de lycéen, de passionné aussi, parce qu'on s'est buté à tous ces albums qui font le rap français aujourd'hui. Et voilà, c'est avec Alpha One et Nekfeu qu'on a commencé. Mmh. Eux, ils avaient déjà, enfin, Nekfeu, il avait déjà le S-Crew avec qui il rappait depuis longtemps. Et voilà, on s'est connectés tous ensemble et on a commencé à rapper ensemble. Après, on a croisé ce mandril. Le meilleur parmi tous. Exactement. Qui fume dans le studio alors qu'il y a les enfants. Non, les enfants, ils sont sortis. Ah, il leur a payé une petite boisson. Ok. Bon tonton. C'est bien tonton. C'est ouais, bien en tonton. Gros, voilà, ça s'est fait comme ça. Après, un 995, tu connais et la suite. Et c'est vrai qu'on connaissait. Tu prends un peu du recul par rapport à ce qui. Parce que. Bah, cette année, j'ai eu quand même assez vite. Ouais, tout ça a été assez vite. C'est vrai qu'on a sorti 3 projets en l'espace de 2 ans. On a fait 3 tournées qui se sont super bien passées. C'était mortel et c'est vrai que quand t'es dans le rush, tu t'as pas le temps de te dire bon, qu'est-ce qui se passe vraiment. Et quand on a fait une pause avec un 995, j'ai eu le temps un peu de prendre du recul, de réaliser, de me dire bon, maintenant faut respirer, faut prendre de la maturité, etc., etc. Et je pense qu'aujourd'hui, j'y suis arrivé. T'y es arrivé. C'est pour ça que j'ai sorti mon album. T'es fier de cet album? Très fier de cet album que je défendrai corps et âme. Super. On va pouvoir le découvrir. Qu'est-ce qu'on met comme morceau, Sneezy, un des titres de l'album? On va mettre ISF parce que je sais que dans le studio il y a des gros fanatiques de ce morceau. ISF pour tous mes mrebi. C'est sorti aujourd'hui le projet de Sneezy. Super. Et tous vos messages, allez-y avec le hashtag Sneezy sur Skyrock. Yeah. Sneezy Super Sound. C'est rien, restons honnêtes, j'ai déjà acheté une maison au bled. On a déjà géré tous les pains dont vous rêvez, donc nous vous laissons nos miettes. Est-ce qu'on se projette? Question trop bête. À 25 ans, je vais payer l'ISF. J'ai reçu l'appel d'un certain monsieur Hollande, je me demandais qui était-ce. Je dis Hamdoulilah, je me suis jamais plaint. Pourtant même quand je mangeais au resto du cœur, j'ai jamais été riche, tu crées trop de rumeurs. On s'en bat les couilles de tes sauts d'humeur. J'ai connu la VHS, mais j'ai pas besoin d'en faire mon fond de commerce. C'est honteux mon frère, ces rappeurs me font trop tiep. Restez entre mauvais tant que les bons se connaissent. J'ai les joues creusées, je dors peu, tout le monde me dit que je suis un fêtard. J'enchaîne une nuit blanche, les rendez-vous, mais Sneezy est toujours impeccable. Sneezy est toujours impeccable. Je sais que je suis un petit chétan. Oh oh. On est souvent très nombreux, les gens se demandent qui va là. Oh. Cool chez Rani, cool chez Mrapa, cool hook, à nous lire à Nawal. Je connais Brani, Rouba, Zouba, je connais Brani. Cool chez Rani, Mrapa, cool hook, à nous lire à Nawal. Je connais Brani, Rouba, Zouba, je connais Brani. Que les grosses coupures et la haute couture. Trop joint d'herbe, j'ai mes potes soupures. Trop de joints et me faire des toffes toutes nues. Qu'elles m'envoient au préalable. Toutes ces salopes sont coquées à balles. Elles me grattent comme si je venais de choper la cale. Dopé, je suis venu pour jouer la gagne. On voit tous les hackers, tous ces bâtards qui prétendent être la relève du rap. Tous ces rageux sont des rapaces. Pour toutes ces sales races, je lève le majeur. Je suis loin de mentir, je signe plus un contrat à moins de 100 000. Je réinvestis le moindre centime. Négro, j'suis tranquille. J'ai les joues creusées, j'dors peu, tout le monde me dit que je suis un fêtard. J'enchaîne une nuit blanche, les rendez-vous, mais Sneezy est toujours impeccable. Sneezy est toujours impeccable. Je sais que je suis un petit chétan. Oh oh. On est souvent très nombreux, les gens se demandent qui va là. Oh. Cool chez Rani, Mrapa, cool hook, à nous lire à Nawal. J'connais Brani, Rouba, Zouba, j'connais Brani. Cool chez Rani, Mrapa, cool hook, à nous lire à Nawal. J'connais Brani, Rouba, Zouba, j'connais Brani. Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Darkoni, Kay Dark صمتي قدامنا ولكن ما راضيش ما باقيش تعاود واش باغي نعاونك تعلم كيفاش كنلعبو الكاراتيه كنغني للناس اللي ما عندهم والو كنغني للناس اللي ما عندهم تريال ولاد الكريان غير سمع صوتي كتعرفني خويا بلا ما تشوفني الوالدة خدمت علينا ولكن دابا جات نوبتي ديلير سميز فاس جديد بوطويل نرجس بلا ما نقدم مغربي في الدم خويا داكشي راس خويا خدم كلشي غالي المغاربة كلهم قالوا لي راه انا واعر شكون اللي بغالي هما حشومة شكون اللي بحالي تا واحد كلشي غالي المغاربة كلهم قالوا لي راه انا واعر شكون اللي بغاني هما حشومة شكون اللي بحالي تا واحد كيضحكوني كلهم كيضحكوني كيضحكوني كلهم كيضحكوني كيضحكوني سوبر كلهم كيضحكوني كيضحكوني سوبر كلهم كيضحكوني مغرب اي اي اي الرايه حمراء خضراء الا كتسمعوني المغاربه اي اي اي Pour toutes les têtes Paris. Sans défaise. C'est extrait de l'album qui est sorti aujourd'hui. L'album super à l'instant et le morceau qui s'appelle ISF. Avec Sneezy, notre invité, et Dooms qui nous fait la traduction de la fin du morceau. Exactement. Dooms, je t'écoute. On t'écoute. C'est pas du bambara donc. Écoute, c'est pas du bambara exactement. Donc c'est un peu plus complexe. En gros, il vous explique qu'il fait les choses. Hein, que son négro de fez. Ouais, c'est un bon résumé. Qui sniffe de l'essence toute la journée. Ils sont prêts à couper des têtes, tu vois, avec des machettes, c'est en ça, quelque sorte. Mm. Il t'explique qu'il est là, Sneeze, petit rebeu de fez maintenant à Paris, c'est ça, Fiberiz ? Non, je suis né à Paris, mais en tout cas, ma mère est de fez et j'ai toute ma famille là-bas. Enfin, en Algérie, en Tunisie aussi, bah, parce que je suis Maghreb United, moi. Mais... Ah oui. Mais vu que je connais plus le Maroc, j'ai voulu dédicacer un peu mes origines et voilà tous mes cousins, toute ma mif là-bas et tous les Marocains qui nous écoutent et tous les Maghrébins en général. Avec ce morceau qui s'appelle ISF. Exactement. Impôt sur la fortune à 25 ans, Inch'Allah. Ouais. Toujours pas là, non ? Non, là, non. Là, non, pas encore. Ah oui, puis ça, je peux vous dire que c'est vrai, parce que quand tu vois une tête que tu viens de me faire là à l'instant. Ah, ouais. Non, tout va bien, tout va bien. Dieu merci. Alhamdoulilah. Dans un instant, il y aura du live. Il y a un gros live aussi de prévu. Ouais, avec des gros kickers. Ils sont là déjà. Esprit, le Edgehead Gang, Doomams, le S-Crew. Et j'en passe. Et d'autres aussi, ce sera tout à l'heure entre 20 et 21. Et Hologramme là au platine. Ouais, magnifique. Et David Simon. Gros chien ! Big Dog. Il n'entend rien là, il est concentré sur la sélection des instrus. Ça doit être ça. Ouais, non, il est très concentré. D'ailleurs, un petit mot qui a bossé sur l'album avec les producteurs. Par exemple, ISF, là, ISF, c'est Jizzle, un mec de Bordeaux. One Up World aussi, des mecs de Bordeaux, des super bons gars. Grief Joy, les super social G's, tu vois, je suis allé voir des gens qui faisaient pas forcément du rap. Lil Mike, des Birdie Nam Nam, Jérémy Châtelain, tu vois, ce genre de noms qui sont pas du tout dans le peura, tu vois, et au final, ça donne un album. Mortel. Elle parle bien, toi. J'aime bien les petits commentaires de Dooms, absolument pas. Non, qui mais... sait si Jérémy peut très bien kicker le soir. Hein. Mais non, mais écoute, il s'y connaît beaucoup plus en Peura que le mec qui est à ma droite là. Jérémy. Je te le dis parce qu'il a commencé par le Peura avec Mike des Birdie. Ils ont enregistré des mecs du 9-1 avant même la Starac, etc. etc. Mais je sais, j'ai eu l'occasion de discuter, il était venu dans un Planète Rap. De, je sais pas, de MZ, non. C'était la MZ, ouais, c'est possible. Ouais. C'était la MZ, qu'il a pas récemment. Et il était venu, et puis on avait parlé, c'est vrai qu'il a une grosse culture rap, le mec. Bien sûr. Très très calé là-dessus. Et Mike des Birdie Nam Nam qui fait de l'électro hard, le mec s'y connaît tellement en Peura. Et il fait tellement des grosses prods. Et Esprit, il me semble qu'il a travaillé avec lui aussi. Ouais. Mike, il est super chaud. Bah, Birdie Nam Nam, c'est des mecs, pour ceux qui connaissent pas, tu sais, qui ont fait le feat avec S.A. Proki. Exactement. C'était quoi déjà? C'était Wild for the Night, ouais, voilà. Avec Skrillex. Donc c'est du lourd. Hein. C'est du lourd. Ah bah, lourd. Ouais, en plus, si tu veux, ils font le tour du monde, les Birdie Nam Nam. C'est super. Donc, ouais, toi, c'est vrai que t'as une vraie ouverture aussi musicale là-dessus. Il n'y a pas de limite, il y a pas un. J'ai beaucoup d'influences différentes, diverses et variées, j'écoute de tout. Donc je me suis dit, vas-y, tu sais, je vais faire un album, je sais rapper, je sais que je sais rapper. Et j'ai envie d'explorer d'autres trucs aussi, tu vois. Faire de la musique qui me fait plaisir. Donc je me suis fait plaisir. Et je pense que je vais continuer à faire ma musique de cette manière. J'ai pas envie d'être dans le moule et de faire les trucs qui sont à la mode parce que ça m'intéresse pas. Après, tu vois, il y a un morceau comme ISF qui est vachement actuel dans le sens où c'est de la trappe. Mais voilà, il y en a un. Et puis il y a plein d'autres bonnes choses sur l'album. Il s'appelle Super, vous le découvrez cette semaine entre 20 et 21. Allez le pécho. Allez-y, vous pouvez le commander tout de suite. Et vous pouvez aussi précommander l'album de Feu, Nekfeu. Exactement. Qui est sur iTunes et qui défonce tout. Numéro 1. Numéro 1. Si je peux me permettre, les deux albums sont super.

Nekfeu. On pense au lendemain vu que l'avenir n'attend pas. On ne peut que monter vu qu'on est venu d'en bas. On s'en tape, on s'en tape. On pense au lendemain vu que l'avenir n'attend pas. On s'en tape, on s'en tape. On ne peut que monter vu qu'on est venu d'en bas. La concurrence dans le déni. J'ai l'impression qu'on est béni. On s'en tape, ah, ah, on s'en tape. J'ai dit on s'en tape, ah, ah, on s'en tape. Et quand je suis dans le club, c'est juste pour faire du PNF. Hein, juste pour faire du PNF. Elle sait pas qui je suis, elle sait juste que je suis célèbre. Célèbre, hein, célèbre, hein, célèbre, célèbre, célèbre. Et quand je suis dans le club, c'est juste pour faire du PNF. SNZ. Hein, hein, hein. Elle sait pas qui je suis, elle sait juste que je suis célèbre. Hein. Je prends du cachet, je rentre pas seul, non. Je prends des rafales de flash dans la gueule, hein. SNZ, super simple. Nekfeu, UDNC, 95 Gang, Panam South. Ah, ah, ah, ah. À l'instant, sur Skyrock, c'est extrait, on s'en tape. Hein. C'était long, hein, 6 minutes. 6 minutes, mais parce qu'il y a pas mal de morceaux comme ça où ça joue aussi, il y a des ruptures. Ouais, j'aime bien faire des trucs avec plusieurs parties, des prods qui se ressemblent, plus ou moins, des trucs ralentis, etc. J'ai essayé de faire un truc bien musical. Et puis ça reste dans la filiation d'un 995 où vous, il n'y avait pas toujours un timing précis. Exactement, nous, tu vois, c'est au feeling, on fait de la musique, on n'est pas trop dans les codes, tu vois, de ce que font les autres, etc. Donc on essaye de faire de la musique comme on kiffe. Plus les morceaux ils sont longs, plus on kiffe. Donc c'est pour ça qu'on fait des morceaux longs. Avec donc le compère Nekfeu dessus aussi. Exactement, Nekfeu, Nekfeu qui va sortir son album dans 3 semaines. Feu le 8 juin. Yeah. Déjà les précommandes. Et on peut aller précommander, c'est déjà numéro 1 en précommande. Numéro 1 devant tout le monde. Devant tout le monde. Yeah. Et la Sneezy peut squatter aussi, la première, la deuxième place. Ouais, on va essayer, on va essayer de gratter un peu, tu vois. Quelques places. Exactement. Eh, Nekfeu, fais tourner un peu, non? Fais tourner la première place. Fais tourner la première place. Avec l'album super de Sneezy qui est dans les bacs depuis aujourd'hui, entre 20 et 21. Découvrir dans un instant, il y a un gros freestyle qui se prépare avec beaucoup de têtes. Et il y a Alpha One qui vient de débarquer. Enfin, il est en bas en train de signer son autorisation. Je pense qu'il a cru qu'il était 19h30. Non, non, t'inquiète, il vient pile à l'heure du freestyle. Comme ça, il se fait pas chier avec le reste, les interviews. C'est ça, en fait. Lui, vient écracher ses flammes et il dégage. Voilà. Et bah, dans un instant, bougez pas. Et juste avant, par téléphone, on est avec R13 de Marignane. Salut, R13. Salut. Ça va bien? Ça va, et vous? Et bah, en pleine forme. Sneezy, le projet dans les bacs aujourd'hui. Et toi, R13, ouais. Excuse-moi, je t'ai pas dit bonsoir. Salut. Salut. Tu es prêt à rapper? C'est l'heure du freestyle, ouais, on y va? Ouais. Et bah, on y va, mon pote, c'est parti. Ok, R13, yeah. Je passe mes nuits, mes journées à gratter le papier pour soigner ce putain de mal-être qui ne cesse de me hanter. Je marche seul, j'apprends seul et je finirai seul au fond de mon cercueil. C'est triste à dire, mais l'air que l'on respire me donne mal à la tête contre ces fils de pute qui s'en prennent à des fillettes. Je vis avec un putain de mal-être au fond de mon être. Et quand je vois tout ce qui se passe sur cette planète, je me dis que personne ne respecte les commandements inscrits sur ces tablettes. Le monde part en couille, ma couille. Eh ouais, le monde part en couille, ma couille. Et puis il part toujours mal, Marseille, une ville sale. Il part toujours de terreur, Marseille, tous ces tueurs. Ils font de notre ville la plus gangsta du pays. Et après, tu entends des horreurs aux 20h. Des violeurs qui s'attaquent à des mineurs, des enfants âgés. Ah, bah, je me suis manqué. Eh ben, c'est pas grave, R13, on a eu un bon aperçu. C'est normal, c'est stressant au téléphone. C'est stress, en fait. Tu m'as je l'ai déjà fait, moi. Ouais, on sait pas. Faut qu'à la gorge, quoi. On sait par téléphone, c'est pas simple, toi tu l'as fait, Sneezy? Je l'avais fait, ouais, j'avais appelé D-Fool pour freestyler. Voilà. Et en fait, ils avaient trop le seum parce que j'avais rien à dire en fait à part freestyler. Juste freestyler, t'avais juste envie de freestyler. Après, m'a balancé une instru. Ouais, je sais pas, j'avais envie de freestyler. M'a balancé une instru. C'est et quand C'était il y a longtemps, en 2008, un truc comme ça. Faut qu'on retrouve ça. De ouf. C'est un texte là, je l'ai composé quoi là. Il y a entre hier et avant-hier. Donc je le connais pas trop. Une instru que t'inquiète je sais pas dessus. Pas besoin de négocier, on connaît. Rappelle dans deux semaines, tu le connaîtras par cœur. C'est que les Marseillais, vous aimez bien négocier. Mais tout va bien, t'inquiète pas, R13. Mais non, mais c'est pas question de négocier. Je dis la stricte vérité quoi. T'inquiète, ça roule. Merci à toi en tout cas, R13. On peut te retrouver, tiens, où il y a des vidéos, on peut te retrouver. Sur YouTube, il suffit de marquer R13 officiel ou sur Facebook R13. Voilà. Bon, on va checker ça. Voilà, tout ça. Si vous voulez passer mes sons à la radio, il n'y a pas de problème. Si vous voulez qu'on fait des feats, il n'y a pas de problème. Avec plaisir, mon sauce. Et bah, le message est lancé. Sur Paname un peu. Merci à toi, R13. Voilà. Bah, ben, à Paname, je viendrai à l'occasion. Avec plaisir. Avec plaisir. Au prochain match PSG-OM, je vais monter. Bon, salut en tout cas, R13 à l'instant en freestyle par téléphone. Sneezy avec nous. Est-ce que tout le monde est prêt aussi pour le live? Vous êtes prêts ou quoi? Hologramme Low, Alpha One qui a débarqué, Léo. Ah bah. Il y a le phénomène business aussi qui est arrivé. Ah bah, il est là. Mon gars Sai Sai qui fait genre il entend pas. En plus, je l'ai fumé hier à FIFA, donc là, il va devoir se venger sur le micro. Tout le monde est prêt, il me semble. Hologramme Low, t'es prêt? Eh bah, coup d'envoi, c'est parti. Yeah. 95 UDNC, n'oubliez app. On arrive sale. Je regarde dans ta dentai, je suis de plus en plus sombre comme un tie and die. Tu fais du rap pour les abrutir, on fait pas le même bail. Vous connaissez mon jeu, j'ai trop péché mon dieu. Pas besoin de protéger mon dos, le seigneur s'occupe de l'arrière-garde. Trop parler peut tuer, je préfère que ma carrière parle. De manière propre, de manière forte ou bien de manière sale. Un visionnaire comme cœur, toujours en billionnaire. Boys Club ne m'appelle app, je me fais sucer par IM dans un Cayenne noir. Donne la force à mes reilles, on s'en tape d'être blessé. Je fonce dans le haram, tête baissée alors que ça m'effraie. MD a pas que le cul, faudrait aussi qu'on parle, boy. Plus de plans qu'un mec qui vend un million d'albums. Négro t'as fait le voyou mais la rue ne veut pas de toi. Majeur les pas en l'air mais à l'horizontale. Dog ça me revient, vous êtes fruités comme des arlequins. J'ai le flow de MJ dans les années 80. Donc parle bien, tu sors la canne à pêche. Mais y'a rien à pas au bout apparemment. Elle reconnaît pas ma pine à part au goût, pas à l'odeur. Je fais du son pour moi et mes gars va autour. Et ça vaut tout, ils considèrent mon travail est à la hauteur. SNZ poteau dans les bacs va faire ça. Escrew hein, écoute ça d'où Mams, on dit quoi hein? Je crois bien que le danger vient de mes proches. Rien ne m'étonne, tout ce qui m'entoure n'est qu'un simple décor. Craindre les forces, ce n'est pas pour moi, donc je blinde mes forces. Pourtant tu peux la défaite, tout ce que je peux faire c'est plaindre tes gosses. À force de manier l'argent sale, je commence à m'en laver les mains. C'est un nouveau départ dans le rap, on va embrasser le destin. Je compte plus le nombre de fois que je me pète la tête, défonce le foie. Mais que j'arrête de faire la fête, avec ma secte on défonce dès le soir. S-C-R-E-W, tous ces mecs, il est très rêve de W. Le fils peut me taper dans l'œil, donc j'abaisse pas ma garde. La vie, un long fleuve tranquille, con. Traverse à la nage, pas de personne a vu mes skates bas sur des skateboards. J'performe. Ici les poucaves se mangent des headshots. On se questionne. Des heures on se questionne. Se remémore nos efforts médiocres. Hey boy. Hey boy. Hey boy. Hey boy. Hey boy. Hey boy. Hey boy. Personne. Yo, personne. Hey boy. Hey yo, ramène pas ton grain de sel. Il nous manque pas de grain. Quand t'entends que ça grince, c'est que pèse avec ta princesse. J'les entends tous, ils font crari, ils sont pleins de règles. Ouais, ouais. Ils vont trahir de leur plein gré. Sur mes cicatrices, pas de pansement. Je me méfie des pensées. Bah ouais, les gens mentent. En penchant pour le genre. Mon fric, je fais que le dépenser. Tous plein de rêves, on veut tous faire des dingueries. Tout niqué, y'a qu'un siècle. Escrew, on prend les mêmes et on recommence. L'histoire a commencé dans le 15ème. Des films d'horreur et des romans. On n'a jamais de remords, on fait que des effondrements. Reviens arc-en-ciel. La date de ton beau mal, personne se demande quand c'est. Toujours corsé, le peu rapport en couille. Man, j'écoute des trucs à l'ancienne. Chaque jour de l'honneur comme un samouraï. Peut-être qu'un beau jour ça mourra. J'ai pas besoin de sa morale, on fera plus rien quand ça mourra. Pour ça qu'il faut faire que des sans faux. Jamais dans le faux, il m'en faut pas beaucoup pour sortir mes dents de faux. Ici dans le 15 quand on appuie ça fait pas de bruit derrière. J'suis venu au monde la nuit mais c'était pas la nuit dernière. L'intelligence bat des records. Il y a à travers le regard au plaque perd ton record. On fait apparaître le cash. me parle plus d'amitié. Pour dire vrai, tout ça, ça me dépasse. Donc laisse-moi, avec ma mif, j'ai l'espoir de les mettre bien à vie. Non, je veux pas ta pitié, ni ta grognasse dans le 8ème. En fait, moi, c'est pour ma mif que je pique, pour les mettre bien à vie. Marie-Jeanne, c'est ma femme, la nicotine, c'est ma petite copine. En partant de ce point de vue, tu sauras que je suis plutôt clean. Mais j'ai mes vices comme tout le monde, j'essaie de vivre comme tout le monde. On m'a dit, faut que tu t'aimes, sans sucer de bite comme tout le monde. Je suis prêt à canner pour ma cause, toi pour une dose de plus. On n'est pas pareil, t'es dans le pari, t'es qu'une rose de plus. Moi, c'est décidé, dans moins d'une décennie, j'aurai la destinée dessinée par le guide à moi qu'on se désunisse. Je vois la dérivée des humains décimés pour du liquide aux valeurs décimales. Face aux décédés, je reste un décimane. Je suis qu'un spécimen dissipé par les décibels. Pourquoi les decks me regardent si mal? Moi, fuck, t'as pas compris, je suis pas décimane. Dealer Saïd, Saïga, phénomène, hey. Yo, le cœur a ses raisons que la réseau ignore. Vole sur mes sentiments depuis que l'amour est mort. Pareil que cette fierté empêche d'ailleurs. C'est cette dernière qui nous empêche alors. Assez souvent à l'homme d'admettre ses torts. On fait avec nos défauts, même si les qualités seront rares. Je suis qu'un branleur qui fait du rap, donc je vais pas te faire la morale. Quand je me remémore ces moments mémorables, étant bien conscient qu'un jour la mort m'aura, négro. On cotise pour la retraite, un certain même d'y toucher un de ces jours. Victime d'une balle ou d'une roquette, un coup classe dans une ruelle sombre. Les images de la daronne en larmes effondrées dans une flaque de regrets. Fasciné par les vases de Broly, papa me dit, faut cesser tes conneries. Un jour j'arrêterai tout comme Rice Mpoli. Mental de révolutionnaire comme Hugo Chavez. Prends nos comptes des cons, mais on n'oublie jamais. Yo. Mais on n'oublie jamais, jamais, jamais, jamais. Mais on n'oublie jamais. Yo, balance ça. Take my gum dub. Envoie. Sure. Envoie. Super. Super. Hey. 21 mai. Sneezy sneeze. 995. Yeah. Sure. 1. Je sais pas à quoi m'en tenir, si je vous écoute, je vais sombrer. Ah. Ton label ne veut pas de moi, donc j'ai écoulé sans G. Une vie plus stable, une vie de rêve, on n'arrête pas d'y songer. Ah. L'insomnie décale mes jours, n'est toujours pas pris de congé. Ouais. C'est le monde à l'envers, les ghettos, une course, les condés. Ah. Ramasse à la petite cuillère bien avant que tu sois tombé. Ah. Pour ma plage, je vais vous plomber sur ma tombe. Ah. Tu rappes avec le QI d'un plombier, t'es sur le trône. Laisse les six enfants des tonnes, finissent par se fondre dans la masse. Ceux qui roulent en Mercedes sont souvent ceux du fond de la classe. Ouais. On appelle ça une tasse, donc logiquement, évite la bouteille. On te l'a dit, mes potes et moi à l'angle. Club, ça c'est des foutaises. Les morceaux leur fait mal, j'écris des couplets sur un coup de tête. Un jour je mangerai au Fouquet, quand je sais pas, je te laisse une fourchette. Des mistonneuses m'observent si j'y arrive, Paris c'est Phuket. Des morceaux des missiles, mais quand j'ai. Des fois j'ai l'impression qu'il y a que là ce poids qui m'attire. Change d'avis quand je me rends compte qu'il y a ta meuf dans la tire. Réalise tes rêves, dors pas sur tes acquis. Je la refais, une boycott, et suceront que si t'es admis. 1993, depuis la France a changé, les types fument du shit, ou bien de la beuh, plus peur du danger. Sneezy West, 21 mai, 3000 se dit envoie. Super. Quoi de neuf, négro? Quoi de neuf, négro? Pas de bluff, négro? T'as de meuf, négro? 1000. J'enchaîne sur un pat smurf, négro. J'avais blackjack, j'arrivais comme Daddy Puff, négro. Et tu dis que Biatch, vois le turf, négro. Négro. Cinquième vert, t'es pas le seul, négro. Non. Négro. Mon rein, t'es self-air, n'est pas le seum, négro. Non. Le mieux en est l'après que j'ai, calcium, négro. Ah. J'vis une innovation, toi un album. Je n'ai pas le copier-coller quand j'ai dit on verra ce que ça donne. Négro, ils m'ont pris un pour tout que Dieu me pardonne. Je préfère ce choix à jouer la madone. Test, tu vas cartonne. Class, tleta, hachera, schlass. Et gros, tu peux faire. Belle année. Ça passe, trajet. Ah, 3000. Hello, laisse tourner la prod, mon pote. Laisse tourner la prod. Check. SNZ, allez chercher ça, mon pote, c'est du lourd. Check. Esprit. Check. Hey, on sait que l'État escroque, mais petit néglige pas les profs. Garde de main et basket propre, extasé, c'est touche pas ces drogues. Pourquoi cotiser 55 ans ou bien même faire 5 ans 5 comme en tôle? Bref, en gros, si je m'associe, c'est 50-50. La crise fait dresser les chiffres, chez nous pas de tri sélectif. On fait parfois criser les vieux quand le soir on fait crisser les pneus. Tes parents appliquent, j'ai les bleus, t'en as même attristé les deux. Ce qui nous baisse le fric et les gueuses, mais on t'en attriste, mais les deux. Tu peux te mettre à briser des beuges ou encore défriser les veuges. Ça n'empêche pas que le monopole t'en compte la Chine et les feuges. Hey, demande à NAC, Mendoza, on n'a pas le même dos. Ça fournit pas le même dosage. Nos relations avec les meufs sont souvent tendues. Celles avec les meufs remplies de bluffs de sous-entendus. C'est souvent tendu. Je t'aime mais on s'entend plus. T'étais le A devenu le B, désormais t'es mon blanc cul. Viens, je t'explique en 2-4-6 sensations fortes. Vers 2-3 spiff en brut de test de 2-3 types. Un frère se perd en 2-3 clics. Boum, le swag d'un pit pool. À l'affût d'une petite poule. Tu es un prototype cool. Ce soir j'ai besoin d'un petit Vini Vidi Vici. 22 Vlad et Vici. Vite, faut qu'on s'éloigne d'ici. Check-moi sur un noyau d'ici. On te rend par la petite porte. On consomme de la tisse forte. Sensations fortes de tout. toutes sortes, sans façon de vaincre le coup de sort. Tu peux me trouver sur bande d'un texte de Paris Nord, Ouest, Est ou Sud, ou palpé par trois fils de pute qui me soupçonnent de trafic de stup. J'ai dit j'ai quitté l'école pour tête à les deals et des drogues ne composent pas mon téléphone si c'est pas pour compter les sommes. 7-5-C, fringue cintrée, flingue cinglée, 25G, certes 5G, 20 slingé. C'était 5 on nécessite, sauce au toit, sauce intouciable. 770CL, sauve pour la cause, ça. Hey, Steve, hey. Hey, Sneezy, super sound, hey, yeah. Ma pêche au l'album. Et elle dit, aïe, aïe, ous, aïe, aïe, aïe. On vient plein comme les doux, un check ma team, on est doué, ah. On arrive en balle, puissant comme un camé, ah. Malin comme doué, test nous, tu t'en mords les doux, ah. On vous attend en plein dans l'arène, demande à Pesso, ah. Ah. Ils ont le seum, je les ai semés loin devant, mais pas au somme, même sur mon sommet, ton bord crie, give me some more. Wow. Tu prends ta claque, ta part à chaque saut mort. Ous, nous test gros. C'est mort, hey. Quoi de neuf, petit con? Dans le caleçon, un piton. Balèze comme un titan. Je croque à la gorge, vénère comme un pitbull. Patasse au casse de. Hey. C'est un coup de bol. On ne vise pas la villa, mais le palais. Chaque deux de son mon palais. Tu fais le vilain, t'en as pas l'air. Ah, que des giflés, ils en redemandent. Comme un mec mal garé, gros, je te mets à l'amende. Okay. Follow it, t'es mal barré si tu testes le gang. Spock sign, tic carré, sont les signes du gang. Hey, aucune trêve, aucune pause, aucun accord. Hey. Comme le tabasco, je suis ses corps. Hey, hey, yeah. M-Viz, Sneezy, Sneezy. Hey, super sound, mec. M-Viz, va pêcher sur l'album. Shit. UDNC, let's get super sound. Yeah. Dealer, dealer. Yeah. Dealer, dealer. Yeah. Ouais, c'est cool, on te baise. Tu, tu, tu. Ouais, c'est cool, on te baise. On te baise, tu, tu. J'ai dit, c'est cool, on te baise. C'est cool, on te baise. Let's get it. Sneeze. Ok. Super, super, super. On voit plus du tout tes narines sous la neige. Si c'est autour de Marine, on fout la merde. Bouge la tête sur mes morceaux. Et tu peux même travailler tes dorsaux toute la semaine. Chauffe ma main, tu rêves d'être comme nous, t'as de la route à faire. Dis-moi c'était comment quand t'as embrassé la pute qui te sert de meuf. Elle avait le goût de ma verge. On fait le taf, mes rollos sont toujours foncés le soir. Arrêtez tous de vous pomper le dard. Si ces bâtards te disent que tu es bon, tu t'es trompé de strap. Tu crois qu'ils sont près de toi? Tu veux rentrer dans mon équipe, c'est complet de croix. Je complaise, je crois. Tu veux rentrer dans mon équipe, mais mon équipe gros est complet ici. On monte ton équipe et on met tout le monde dans le coffre. Ouais, ouais, chez les gros, je fais du bif et tout le monde prend le mort. Tu n'es jamais à l'abri, la tour tourne encore. Ouais, mon négro, la roue tourne encore. J'ai mis assez d'oseille à 6 où je m'endors. J'ai pris assez de kerosene pour mon envol. Et même quand je fais pas de son, je suis toujours en vogue. Ouais, mon robe, je suis toujours en vogue. Hein, pareil que tous tes potes ont changé. Hein, tu n'as pas de bon moteur. Pareil que le métro, ça a changé. Hein, mais c'est pas le cas de mon chauffeur. Non, non, non. Mais c'est pas le cas de mon chauffeur. On n'est pas des jeunes, négro, hein. Hey, non, remets, remets, la prod, remets, laisse tourner. On n'est pas des jeunes, mais c'est bon, go. Yeah, yeah. Super, super, super, super. L'album est dispo, frère. Hein. Hey, M-Viz, et dit Dub Gang. Voilà. On n'est pas des jeunes, négro, bowler, ni négro, on la haine, vu ce qu'il est contrôleur. On se connaissait des grognasses qui voulaient me serrer. Dans leur genève, je me permettais de frauder. Donc, négro, c'est avant qu'on veut voir des euros. Faire des tubes, rendre les gens heureux. Sois vanné sur les places de Rio. Voir des fiacs sur leur putain de vélo. Wow, je crois que ça devient dramatique. Comme devenir anorexique. C'est que nous sous polaroïde. Mais jamais sous stéroïde. Non, non. Je laisse une page là où je suis passé. Dans nos têtes, toujours tout classé. Dans nos têtes, tout est déclassé. Toujours en train de se surpasser. Je n'écouterai jamais les gens. Dans ma team, que des légendes. À vous de voir ce que j'ai entre mes beaux gens. Et danser pour de l'argent. Beaucoup de gens sont prêts à vendre des 10. Mais se prennent des vides. Dans la vie, n'est pas facile quand faut vendre des 10. MV, Sneezy, et dit aïe, nigga. Hey, tu as piège. Envoie. Piège. Envoie. Way up, I feel blessed. Hey, take, take, let's get. Way up, I Sneezy. Feel blessed. Super sorti aujourd'hui, mon gars. Yo, swear. Cure. Waouh, tu m'as eu là, tu m'as eu, c'est pas grave. Envoie, envoie. Yo, SNZ, super le 20, super. Le 11. Aïe, cure. Aujourd'hui, frère. Force à Sneezy, aujourd'hui. Allez, pété, gros. Super. Envoie. Yo, take, take, let's get. Yo, let's get. Yo, let's get. Autour de moi y'a que des clones, tout le monde est différent sauf dans le rap. Jeu gros combien t'as d'audience, c'est pour éviter la queue. Les kickers sont dans la rue, mutés par des maps. Mais on dit qu'on mafia, personne pour dire basta. J'étine la baston, c'est comme un soldat. Vu que personne donne le ton, je prépare un attentat. Celui qui va goûter le plomb, c'est celui qui tentera. Ils écrivent sur papier calque. Je suis le changement radical. Je suis là pour la gagne, les grailles. Joue plus de match amical. Je refroidis l'ambiance, Ikaï. Des textes gratuits, du style. Punchline quand on pratique. Tu tailles, t'as pas le mental. Entre talent et grosse merde, ils font la courte paille. J'ai mis que des revers, donc je mérite la médaille. T'as signé en major, t'es pris pour du bétail. Rap sur tous les BPM. L'instru, on a détail. Facile de faire le tour de France avec des sons pédales. Légalement, j'ai le seum, c'est apparent. Une carrière de 5-6 piges, dont je suis garant. J'ai gratté que des punch, j'en ai mal aux phalanges. J'ai défié tous ces merdes comme l'autorité de mes parents. Hilarants, ils sont, ne veulent prendre aucune leçon. J'y vais si ça parle de son, je suis loin comme l'horizon. Faut le croire pour me donner raison. Creuse l'écart, je place quelques bombes, une poignée de secondes. Je veux être visible dans ce monde. Passe ma chance aux mauvaises ondes, personne pour me faire de l'ombre. Personne peut faire de l'ombre. Personne peut faire de l'ombre. Envoie. Personne sort de l'homme, Sneezy, super. J'suis jamais effrayé, toujours défrayé. T'as rêvé de test, puis tu t'es réveillé. J'fais sortir l'aigle en moi, des tacles de mon équipe. J'suis jamais effrayé, toujours défrayé. T'as rêvé de test, puis tu t'es réveillé. J'fais sortir l'aigle en moi. J'suis de l'ancienne école comme les règles en bois. Tu rêves des styles que ce nègre envoie. Première cassette de rap, c'était Chris Cross. Maintenant les équipes s'offrent. Quoi, Chris comme Chris Paul. Si ta fréquence se fait comme Chris Paul. J'suis dans ce rêve à Lisbonne. J'ai le barreau. J'dois libérer à Libéry et quelques actrices bonnes. J'arrive comme Steven Seagal. J'mets un petit peu de C4. J'suis le pimp de ces gars. Quoi? Faut que j'me réveille à la matrice, boy. Ouais. T'as du genre à faire. Faut que j'me réveille à la matrice, boy. J'ai du genre à faire. J'fais mon fromage comme les gens à la ferme. Le chèque à 4 chiffres si je chante à ta fête. J'suis qu'un homme, j'aime bien me faire sucer le gland. Quoi? Mais y'a rien que j'aime plus que mon blé. Plus te bomber, le pute est tombant. Ce putain de rap jeu, on veut juste le plomber. Aide-toi si tu veux un M3 qui fait rentrer. Toi, on avance sur le fil, c'est dur d'être droit. Comme en Égypte, je suis un nègre. Faut prendre ce que les traites doivent. J'arrive deux fois plus fort. Tu crois que tu flottes, mais ça se voit que tu te forces. Je reste focus comme la voiture Ford. Impossible que mon équipe triche, on est organisé comme une mafia Trisix. Élégant comme les British, je reste la flamme bonne, c'est Alpha le boss. La différence de niveau est flagrante. Quoi? Trois jambes, chaque membre, je les fragmente. J'ai flow Gucci, mon rap coûte cher. Tu mérites beaucoup de chiffres ou des coups de chaise. Je suis ni gangster, ni gentleman. Je emmène même pas de rail au grec. Mais elle me trouve à croquer. Addictif comme le crack cocaine. Super Sneeze dans les bacs. Alpha One, super, Alpha super, Ren, super, super, Don Dada, yeah. Hologram Low, Dealer 1, 3000. Tracy, let's get it, man. Et dis I gang dans le local, man. Shout out à, à Sneezy, super. Laisse-moi écouter comment il fait le beat. Yeah. SNZ, l'album gros, c'est déjà dans les bacs là. Nemo, c'est comment? Ça arrive quand? 3010, 29 juin. 29 juin, l'album de Manga 3010. Allez, c'est parti, gros. Et dis I gang. Ça arrive. Et dis yeah. Et dis I gang. Yeah. Et dis I gang. Yeah. Let's get it. Yeah. Aye. Yeah. Yeah. Négro, on vole. Négro. On va le faire. Je te le dis, mon négro, on veut trop de gueule. Depuis que le délire ouvre trop de gueule. De mon personnage, on ne vend pas de graines. Mais mon truc a bien fait pousser trop de gueule. Mes cousins finiront dans un rover. Je serai jamais sauveur. J'ai juste une grosse tub. Une idée qui, elle, a pris de la hauteur. On va y aller. Je te niquerai, je suis pas un sauceur. S'il le fallait. Autour de moi, oui, y'a de la weed. On est 50 sur cette merde et on les cuit. On est clean, William Peel. Dans mon putain de verre ou Jack des Sobieski. Je suis dans sa schneck et je fais du ski. J'ira toutes mes affaires, ira Jeveski, Jimmy Keski. Y'a mon écro, au lieu d'en parler dans mon dos. Dans mon dos. On dit fédérer, être honnête, mais quand faut vraiment l'être, beaucoup non plus les mots. J'ai rafale, la dalle, j'ai l'écro. J'arrêterai pas la balle si ça calibre. On veut un Bucali avant la nécrologie. Je ferai que sortir ma cam si la go cogite. On se check seul, il lui faut un arrêté du recteur. 3000. Il me faut son monnaie dans son bec. 3000 mes textes, un peu de next. 3000. Je veux le check et le steak. Et le steak. Ils ont un vecteur et test sur le texte. Sur le check, mais un mètre, on est net, ils enquêtent. J'entre en scène, faut le montant seul. C'était la session live dans Planète Rap. J'ai pas pêché le caillou SNZ, c'est déjà dans les bacs. Super. C'est sorti aujourd'hui l'album de Sneezy. Et beaucoup, beaucoup de monde au micro ce soir. Dispo partout, il y avait l'équipe Eddie Hyde Gang avec 3000 M-Vizol. Take a mic. Sneezy, à soi. Phénomène business avec mon gars Saïsa. Il y avait Esprit, il y avait Doomams, il y avait Escrew. Le Crew S, le Escrew, l'entourage. toute l'équipe, 1995, on est là, Alpha One, Don Dada, Hologramme, Low Platine, mon gars. Merci pour cette première soirée, Sneezy. Grosse dédicace à mon mes gars du salon aussi. Les gars du salon, ils se super. Savent. Amine, c'est comment Dubaï? Aïe. Ah, l'ancien. Et tous les soirs de la semaine, entre 20 et 21 sur l'ancien. Skyrock. Juste avant de se quitter, on fait tourner rapidement la roulette, c'est parti. Je m'appelle Max. Skyrock t'offre le Manax Fury Road au ciné. Pour toi et 4 personnes de ton choix. Survivre. Allô, c'est qui? C'est Keren. Keren, comment ça va? T'habites où, Keren? C'est Milouz. Et comment ça va, Keren à Mulhouse? Je te présente Sneezy, c'est notre invité. Salut, tu vas faire tourner la Skyroulette, t'as de la chance. Salut. Toi, dis donc. Ça va? Ça va, au calme. Eh bah, tranquille, tu es prête à faire tourner la roulette? Que t'as acheté mon album? Eh bah, elle y va. Elle va cliquer tout de suite après la roulette. Prête, je suis déjà prête. Keren, elle est prête à aller cliquer tout de suite. Mortel. Clic, clic. Allez, dès que tu veux, tu dis stop, c'est parti. Stop. La roulette qui va s'arrêter pour toi sur la case, c'est... Eh ben voilà, c'est le film événement Skyrock qui arrive, Mad Max, de retour. Merci. 4 places pour toi et tes potes, bah tu verras au ciné donc gratos, c'est pour toi Keren. Voilà. Merci. Et avant beaucoup. Ça, tu vas acheter l'album de SNZ. Là tout de suite, comme ça, super. Mais là, sur iTunes super, ou à la Fnac. Ah, okay. Tu l'as déjà? Non, pas encore, mais... Là, dans 2 minutes, elle va commander tout de suite, elle là. Envoie-nous la facture. Bien vu, c'est remboursé par le cinéma. C'est remboursé sur les impôts. Voilà. Sur l'ISF. C'est ça. Merci à toi, t'occuper de te faire bisous, Keren. Ciao, passe une bonne soirée. Merci, Sneezy, pour cette première soirée. Merci, De Frey, ça fait plaisir. C'est cool, c'est sorti aujourd'hui. Un petit message à Amine. C'est super. Et ça fait du bien, ça. C'est vraiment un bon super album. Super sound. On revient aussi avec un 995. Vous inquiétez pas, on arrive sale. Oh, on en parlera dans la semaine, je pense. On aura l'occasion d'en parler cette semaine entre 20 et 21. Merci à tous ceux qui sont passés. Là, nous avons trouvé normalement D-Fool qui doit être là. L'ancien. Avec qui tu avais rappé. D-Fool, l'ancien, ouais. Avec qui j'avais rappé. C'est bon, en on a le même nez avec Sneezy. Exactement. Ah, t'as tout compris. Ah, tu te souviens. Ah bah là, on est équipé entre Fredo, toi et moi. Ah bah là, c'est clair. Ouais, c'est des derniers nasaux. Exactement. Des derniers appareils nasaux. On est pareil, quoi. C'est l'équipe Big Nose. C'est ça. C'est ça, exactement. Semaine Big Nose. Non, mais c'est pas mal, ça a son charme. Ah, de ouf, vois, ça plaît à Marie. Bah, alors, Vincent Cassel, il a une gueule cassée. Hein. Il c'est a un vrai, gros t'as nez, raison. Pourtant, il est frais. Hein. C'est Vincent Cassel. Même, et Vincent Cassel. Ah, en tout cas, ça fait plaisir de t'en trouver toute la semaine. C'est ton planète rap. Ouais, c'est merci. Cool. Ouais, c'est cool. C'est dans son 20h et 21h. Gire. Et puis, bah, nous, on sera là demain soir, dès 20h. Et puis, on est là ce soir jusqu'à minuit pour la grande radio libre qui démarre tout de suite avec. Bah, tiens, on va se mettre Omi là pour démarrer. Ah, très bien. Soirée, t'aimes bien, Fredo? Ah, j'adore. Avec le temps, là, comme ça, ça me donne envie de danser nu. Tiens, danse. À poil? Ouais. Vas-y Fred. Oh mon dieu. On est gâtés. Vas-y danse comme un ouf. On se dit vivement la pluie. Je serais curieux de te voir danser là-dessus moi d'ailleurs. Heureusement qu'on est à la radio. Pour ton image perso hein, Fredo. Ah moi j'imagine j'ai honte bien. De rien. Je n'ai plus honte de rien. Vas-y Fred, bon Sneezy. Sneezy nous fait un petit débrief. J'assume tout. J'assume tout. La nouille à l'air quoi. Ça laisse le monde bouche bée. Ah là, on est impressionnés. Je crois que Sneezy a adoré. Ouais. Là, Marais, là. Ah bah, super. Pas vrai Sneezy. C'est pas sûr qu'il y avait content, de j'ai vu ma chorégraphie parti, sur le son de Omi là. Lequel? Non, je t'ai pas regardé mais j'ai raté ça. Ne regarde pas Sneezy. Mais Sneezy m'a déjà vu danser plusieurs fois. On a eu l'occasion de se croiser dans on le croise souvent lui dans les soirées parisiennes. On a eu l'occasion de se croiser quelques fois. Moi j'étais sobre de mon côté. Ah bon? Ce qui veut dire que Fred n'était pas sobre lui. Je sais pas ce que tu sous-entends, ça me ressemble pas du tout. Bon bah des dossiers peut-être demain 20h hein, demain 20h plein de dossiers sur Fred, vous inquiétez pas. On va rejoindre l'équipe du 9 de I pour te tailler un peu. Laisse-le à Miami, il est tranquille. Prends le soleil, il est bien. Bon, merci en tout cas pour le Planète Rap. Là c'est parti Radio Libre, ça démarre tout de suite. La pub en speed et puis juste derrière Omi et toute l'équipe qui est là et vous tous en direct au 01 53 40 30 20. Salut Fredo, salut. Ciao, ciao. Ciao. Et à tout de suite avec Omi hein, comme promis. Cheerleader, sans la Corée de Fred. Total respect.